Rear fire rocket. Prepare to do battle. Go. Ce que je trouve inquiétant, c'est que ces gens ont travaillé dans l'ombre sur des générations. Un plan de bataille plus que centenaire, avec comme but la dégénérescence sur ces terres. C'est un fait, les sociétés secrètes existent. Elles opèrent dans l'ombre cachées derrière le capitalisme. Elles génèrent des crises, des conflits, et peuvent même être la cause de ruptures d'anévrisme. Certaines sont discrètes, occultes et obscures, mais notre plume reste concrète et démasque l'imposture. L'éveil des consciences les met en mauvaise posture. Il faut que nos prostituées faisant l'effet d'une torture. Faut pas se taire, quitte à passer pour des pasteurs. On n'a jamais fait ça pour finir sur des posters. On bosse tard à récupérer des infos sur ces bâtards. Équerre, compas, damier blanc et noir. On fait ce qu'il faut pour pas perdre le nord et alimenter l'espoir. Avec des idées neuves, on peut émincer leur enfance. Affronter en face toutes ces choses qui nous enfoncent, toutes ces choses qui nous dépassent depuis l'enfance. Ne pas se laisser influencer par leur modèle pour gagner en consistance, en assurance. Élargir notre champ de vision par clairvoyance. Ne plus cautionner un mon limon de décadence. Pendant que les cadences, la dictature mondiale avance et nous annonce sa futurance. L'habit fait pas le moine, mais y'a peu de traders qui font l'aumône. Beaucoup de lobbies qui font bosser des minots dans les mines. Pour des diamants que l'on retrouve à place Vendôme. J'en perds ma mine et c'est notre sang qui contamine. Dans mon dôme, la vie est précieuse, tout comme l'espoir qui s'élimine. Ça me rembarge et ce mal me démange, me ronge et me pousse vers la marge. Serait-ce la fin du monde qui se dirige pour signaler au fond que ce désordre dérange. La terre et les astres ne digèrent plus nos écarts de comportement. Un vrai désastre s'annonce si on ne change pas notre façon de vivre dans nos appartements. Notre conscience a été fractionnée en compartiments. Je sais que tu y es pour rien, mais t'as pas tristement. Il est en train de faire du coma d'enquête et plongée. Regarde autour de toi, le monde est en train d'imploser. Trop d'humains subissent la guerre, la famine, l'exode et la destruction est presque partout l'empreinte. Du protocole de Sion, tu pensais que c'était fatal. La crise économique, pas pour la banque mondiale. Quand y'a plus de dette, y'a plus de fric. Attends, c'est pas fini, de l'OMS au FMI. Les bidards viennent nous préparer tout un tas d'infamies. Leur souci principal, le contre démographique. Asservir les consciences par la pensée unique. Le NWO, que l'aime aussi illuminati. Franc-maçon et cabas depuis des siècles mène la partie. Mensonge, tyrannie, propagande, désinformation, orgueil et vanité comme une moyen. Communication, une élite dans l'élite qui tire les ficelles. Ces pantas qui nous gouvernent, ces mecs méritent juste un coup de peine. Le ciel américain est gardé comme une forteresse. Quand nos avis s'y crachent comme émus, putain de prouesse. Tu trouves pas ça louche, tu trouves pas ça l'air. En cassant sur la famille bouche et à l'histoire relais. Spirituel satanique, aux sorties maléfiques. Voilà pourquoi tu payes ces enculés du G8. T'enfoncer dans le vice et serrer la vis. FCC argent via les médias, ils sacralisent. Les lois et l'ordre se mondialisent, les grandes puissances fatisent. Pour s'approprier les dernières richesses qui s'épuisent. Il faut que nos idées fraternelles préparent la riposte avant qu'ils nous lobotomisent. Tu penses qu'on perd les pédales, qu'on est conspirationniste. On dénonce Dajjal, mais toi aussi t'es sur sa liste. On dénonce Dajjal, mais toi aussi t'es sur sa liste. On partage les savoirs, les croyances, les informations, les idées, les données et toutes nos intuitions. On en arrive tous à la même conclusion. On tombe sur les mêmes noms, on dit et falsification. L'histoire et le savoir ont arrosé dans le miroir. Derrière la devanture se cache une tragédie bien noire. L'épreuve s'efface, donc on s'efforce de transmettre par tradition orale la vérité sur ce monde subliminal. Le nouvel ordre mondial est en marche. Le décodé pour mieux comprendre la démarche. Il crée des événements spectaculaires pour mettre en place un régime spectaculaire. C'est triste à dire mais l'histoire se répète. Ça fait des siècles qu'ils manigancent en secrète. Ils se ravaient à tout trop tard pour crier à l'aide. Rendre la vie plus laide. Ils y travaillent comme des malades. Et pour le mal, tout le monde s'entraide. Ils te vident le cerveau et te visent les entrailles. Nous conditionnent comme du bétail et nous orientent vers le travail. Véhicule énergie négative dans notre environnement. Eh, les gens, restez vigilants. Ils pratiquent impunément des techniques d'aveuglement. Transforme notre petit cœur pour affaiblir notre rayonnement. Véhicule énergie négative dans notre environnement. Les tours se resserrent, se vit comme poussière. Le système se sert de toi comme un cerf. Dans ses serres acérées, les viscères sont serrées. Ta viscère acérée, leur déchire ulcérée. Je fais traiter de conspirationniste par des syndicalistes qui sont l'affaire de lance du capitalisme. Trop de remise en question pour ton confort intellectuel. Trop de désinformations dans ton cerveau à l'heure actuelle. Tu ne trouves pas logique, la vérité de putain d'arbre généalogique. Je reste marbre face à la dissimulation médiatique. Et fais mes propres recherches dans de fouilles archéologiques. L'épanouissement du corps et de l'âme m'a tout âge, c'est dur. Car on patauge dans une vie sans partage. Tout cloisonné, partage par fonction, par étage. L'horizon me laisse entrevoir un tissu de réseau qui veut qu'on perde la raison. On prolifère comme des roseaux. Jusqu'à provoquer l'hérésie. L'érosion du temps me pousse dans sa frénésie. Contribue à mes lésions. Quand dans mes oreilles j'entends leurs discours de nazillon. Je les contre en m'imposant sur micro-sillon. Et si on se casse la tête dans nos créations, c'est que dans nos vies ce dernier a des putains de répercussions. Influence les gens comme une tribu jouant des percussions. Ils mettent la danse dans l'ombre pour qu'on suive la même direction.